dans la séparation. Amis, ne pleurons pas, soyons unis en Jésus, nous nous verrons. La vie nous est faite pour se séparer un jour ici-bas, mais Jésus par l'amour, il nous réunira au ciel. Dans la séparation, amis, ne pleurons pas, suivons Jésus, nous nous verrons. La vie nous est donnée pour s'éteindre un jour ici-bas, mais Jésus par l'amour, il nous réunira au ciel. Dans la séparation, soyons unis en Jésus, nous nous verrons. Dans la séparation, amis, ne pleurons pas, suivons.